Écoute, mon frère, écoute le tam-tam. Le vent chaud des savanes apporte son message. L'Ovensi, quelle heure est-il? Moi, tendez en son son émissier. L'Ovensi, quelle heure est-il? Gros tamboula qu'a crié moi, monsieur. L'Ovensi, venez ici. Non, c'est joué en moi, monsieur. L'Ovensi, venez ici. Gros tamboula qu'a crié moi. Yeah.